comment prendre soin du corps? Rien ne nous semble plus défini ou plus solide qu'un corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? C'est cet ensemble que nous voyons devant nous et apparemment indestructible. Mais au contraire, nous le savons désormais. Tous les corps, par définition, sont fragiles. Le moindre assemblage de particules matérielles peut se dissoudre ou se défaire comme un vase peut se briser, avoir une petite fente imperceptible qui, d'un geste, peut ensuite donner un éclat irréversible. Mais parmi tous les corps vivants sont les plus fragiles de tous. Ils peuvent mourir et on appelle soin la capacité et la volonté, la possibilité concrète aussi de leur venir en aide, de remédier à leur souffrance et de les préserver de la destruction. Mais comment prendre soin d'un corps? Les corps vivants sont peut-être l'objet de plusieurs types de soins. Il y a d'abord les pannes, les problèmes de telle ou telle partie du corps qu'il faut résoudre et on appelle ça des traitements. Mais il y a aussi la prise en compte de l'ensemble du corps subjectif, de l'ensemble de la personne à travers son corps. Et c'est un autre aspect du soin tout à fait essentiel. Il y aurait donc d'un côté le traitement technique, de tel ou tel dommage, de telle ou telle partie du corps, et d'un autre côté, le soin individuel, le care qu'on oppose parfois au cure et qui vise à prendre soin de la personne dans son ensemble et à porter son corps. Mais la véritable distinction est-elle là? N'est-elle pas plutôt aussi dans le défaut ou l'excès de ces deux sortes de soins? Et même nos pathologies ne peuvent-elles pas nous donner le tournis, le vertige, un vertige qui semble nous empêcher de prendre soin de notre corps si l'on est, par exemple, toujours malade? Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patrinque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. On connaît cette chanson dont on vient d'entendre simplement le refrain et qui commence par une litanie des parties malades du corps. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui ne va pas et ainsi de suite. Toutes nos parties du corps peuvent en effet se détraquer. Mais comme le dit cette chanson aussi de Ouvrard dans les années 20 avec son uniforme de militaire, elle dit aussi « je ne suis pas bien portant ». Finalement, au fond, cette litanie des parties du corps qui se détraquent est d'abord la détresse d'un corps individuel qui appelle un soin réel, un soin d'ensemble, un soin aussi de son image, un respect aussi de sa personne, un soin qui pourtant est le seul remède à ce vertige de la détresse du corps, de cette souffrance indéfinie qui, parfois aussi, pour des corps lourdement handicapés, appelle des traitements constants ou comme dans les maladies chroniques. Ainsi, la réponse à la détresse du corps, ça n'est pas l'enchaînement des traitements ou le surinvestissement du soin comme dans un soin cosmétique infini, l'attention infinie à sa beauté, à la parure du corps, mais c'est la juste mesure d'un soin qui prend la mesure de la personne dans son ensemble, de son image aussi, de sa singularité, aussi évidemment de ses grandes pathologies, et qui dans cette mesure prend un soin équilibré du corps, qui respecte sa fragilité d'ensemble, qui lui fait échapper à la litanie ou au vertige, à l'excès, mais aussi évidemment d'abord au défaut de soins, car sans le soin, le corps ne peut pas même exister.